en harmonie. La FM en couleur. Nos invités sont arrivés. Alors je vais commencer par une dame, c'est quand même mieux, hein, toujours. Bonjour Philippe Daniel. On aime bien plaisanter avec nos amis. Ah oui. Et bonjour Sandrine. Bonjour. Bienvenue parmi nous à Radio Arc-en-Ciel. Alors Philippe Daniel, en quelques mots. Auteur, compositeur, pièce de théâtre, metteur en scène. Oui, voilà, les quelques mots sont lâchés. C'est bien ça, auteur, metteur en scène et comédien. Et comédien maintenant, c'est vrai, en plus, ah oui, oui. Et Sandrine, eh bien, comédienne. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire, attaché de presse, tu t'occupes d'artistes aussi. Producteur de musique. Producteur de musique, oui. Ah, et puis aussi éditeur. Et éditeur. Et alors, donc, Philippe Daniel, on va faire un petit teaser, on va reparler juste après la petite publicité. Tu étais venu, là, une première fois pour nous présenter ta première pièce de théâtre. Oui, tout à fait. Grand appartement en train de... Eh bien oui, grand appartement qui reviendra. Oui, 2018, c'est prévu. Et la deuxième pièce de théâtre que tu as écrite, qui, on va en parler juste après, est en train de se jouer maintenant, puisqu'au début c'était une lecture, maintenant ça y est, elle est enfin disponible sur scène, on va dire, sur le théâtre. Oui, tout à fait. Après la tournée théâtrale de la pièce, oui. Par la maison d'édition que nous représentons chez Land Partners, on a décidé, lorsqu'on était au Luxembourg, pour cette tournée littéraire, en rentrant de la jouer, oui. De trouver en soi la force de trouver les comédiens qui puissent être sur scène, dont moi maintenant. Et oui, et quand les femmes s'en mêlent, les hommes se taisent, sont sur scène prochainement en octobre. D'accord. Jusqu'à la fin de l'année. Et on est toujours obligé de se taire quand elles s'en mêlent. Je vais la laisser parler un petit peu justement. Ouais. Et ben voilà. Allez, je vous pose une petite page de publicité, on se retrouve juste après pour parler justement théâtre. Radio Arc-en-Ciel, il est midi. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente pour votre plaisir. Retour donc ici avec Émilie, Marie-Claire, Patrick, Sandrine et Philippe Daniel. Alors nos deux invités théâtre aujourd'hui sont venus pour nous parler d'une pièce qui se jouera à Paris au mois d'octobre. Ça s'appelle Quand les femmes s'en mêlent les pinceaux, hein, oui, d'un double sens. S'en mêlent les pinceaux. Et ou les crayons. Les hommes se taisent. Nous avons la chance d'avoir ici l'auteur de cette pièce, le metteur en scène également, qui est comédien sur scène et qui est venu avec l'une des comédiennes qui joue l'un des rôles titres de la pièce. Philippe Daniel Alotto est l'auteur, Sandrine Royan est l'une des comédiennes. Quand les femmes s'en mêlent, les hommes se taisent. Le pitch de cette pièce déjà. Le prélude. Le pitch, le résumé. Je piège. Tu vois, Patrick n'est pas le seul que je piège avec mon mot pitch. Ah non, qui pitch. J'avais piégé avec pitch. Oui, tu m'avais piégé. À chaque fois que je dis pitch, tout le monde est là. Comment pitch? Il marque des gâteaux. Non, pitch, c'est des gâteaux. Voilà, c'est le petit gâteau pitch. Voilà, il est midi. J'ai faim, ouais. Pitch. Et nous, on est français, on a dit madame. On parle en français ici. Alors, je suis tout autant. Pardon. Il est midi. Je suis tout oui. Alors, je souhaite bon appétit à tout le monde. Il est midi, mais pitch, ouais. Résumé. Non, de quoi parle la pièce? Alors, ça parle de deux femmes, mère et fille, qui sont issues des îles des Antilles et qui échouent en métropole dans le 9-3. Famille issue de difficultés, HLM, les dettes qui s'affichent une à une, non pas dans leur boîte aux lettres, mais sur leur porte pour l'expulsion. Ils ont décidé de collaborer dans le bon sens et d'aller voir ce qui s'y passe vers le 9-2 pour communément trouver une solution à leurs problèmes. Ils vont créer une entreprise, ma foi, elle, existence, mais avec zéro de capital, ouais. Trouvant à se réfugier chez les bobos, le 9-2, issus des îles également, des Antilles. Et là, père-fils vont être confrontés à mère-fille qui vont s'installer. Ils vont d'abord tout casser dans la baraque alors qu'ils sont là pour rénover la maison. Le fils crédule, lui, passe son temps à gaspiller le capital de son père, brûler sa carte bleue. C'est un Tanguy. Un Tanguy écrivain, il s'appelle Fédo, c'est pas de sa faute, hein, c'est comme ça que je l'ai nommé. trop vieux. Pourquoi le... pauvre oui. Parce que c'est un vaudeville. Faut voir un petit peu la récréation des mots. C'est un règlement de compte que vous... Non, parce que souvent on dit, vous écrivez quoi du Fédo, du vaudeville. Alors là, j'ai voulu mettre la confrontation du vaudeville dans un petit garçon énoumant de bonne famille, s'appelant Fédo. Voilà, allez chercher l'erreur. Bon, voilà, c'est fait. Et donc... tous les quatre vont s'épingler, vont se quereller, vont boire un verre ensemble, parce qu'il s'agit là quand même d'une pièce issue des Antilles, donc le petit punch existe. Voilà le gros. Et ma foi, ils vont quand même s'installer petit à petit. Père et fils vont semblablement tomber amoureux. Et ce qui va sauver ces gens, finalement, mère-fille, c'est la Saint-Valentin. Voilà. Et entre-temps, il s'y passera plein de choses. Quelques chansons bien placées, des pouettes-pouettes aussi bien enlevées, des camemberts bien épicés. Et j'en dirai pas plus sur le fondement, mais ça dure une petite heure. C'est dès la première minute du lever de rideau, même pas les 30 premières secondes, déjà, les gens sont là, dans l'expectative de découvrir la pièce, et ils vont forcément rire. Dès le lever du rideau, sans aucun mot. Et on ne dira pas pourquoi. On ne dira pas pourquoi. Alors la comédienne qui est là, Sandrine Roignan, vous jouez quel rôle dans la pièce ? Je suis la fille, en fait. Donc voilà, et ma mère, c'est Anna Castera. Donc, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, mère et fille, cette complicité va se voir sur scène. Et effectivement, on va faire beaucoup de dégâts, on va dire, chez les bobos, en fait. Et ce qui est bien dans cette pièce, c'est qu'il y a des petits mots qui vont être dits en créole, et avec tous les mimiques des Antilles. Donc, je pense, pour faire un clin d'œil justement aux Antilles. Donc, une pièce... assez amusante dès le début, comme on disait, par les tenues. Oui, et puis c'est une comédie drôle, épicée, mais c'est une comédie sociétale avant toute chose. Les gens vont se reconnaître en fait complètement dans la pièce. En fait. Vous vouliez confronter plusieurs personnalités, plusieurs cultures. Exactement, c'est ce que j'ai voulu provoquer. Et on s'en amuse nous-mêmes. Enfin, on s'en est amusé nous-mêmes. Par nos lectures, par notre tournée littéraire. Les gens ont rigolé. Et je me suis dit, si ça accroche là, rien qu'avec des mots en littérature, ça va accrocher forcément en représentation. Et là, ils s'en amusent eux-mêmes. En répétition. On s'éclate énormément. Voilà. Alors, ça s'appelle « Quand les femmes s'en mêlent, les hommes se taisent ». La pièce se jouera au mois d'octobre à Paris. Où ça ? Alors, on fait notre première le 7 octobre chez Gérald Dahan au Nez Rouge. Au Nez Rouge ? C'est un bateau-théâtre, une jauge de 91 places, je crois. Donc, pour cette première-là, on le fera chez lui. Ensuite, l'enfant que je suis a décidé de jouer dans l'Eure-et-Loire. Je suis attendu, enfant du pays, du côté de Chartres, à Pongouin, le 14. Vous êtes le bienvenu, vous êtes les bienvenus, vous qui nous écoutez. L'équipe. Voilà, vous êtes le 14 octobre. Le 14 octobre, à 15h. J'ai d'avancé à 21h, le 7. Dans l'esprit de convivialité, les salles des fêtes sera sûrement sur une jauge de 100 personnes ou un peu plus, ça dépendra de, on verra bien. Là, à cela, il y aura les maires des communes voisines, il y aura des journalistes qui vont venir nous voir, et on fera une captation professionnelle de la pièce en son entier, et le fameux dit teaser qui était déjà dans le grand appartement à l'époque, voilà, de façon à pouvoir promouvoir la pièce. Et ensuite, on sera du 15 octobre au 31 décembre chez The Artist à Paris. Relâche le 24 quand même. On va faire un petit relâche le 24. On va se reposer un peu le jour de Noël, enfin la veille. Mais tous les dimanches, à partir de 20h, on joue la pièce d'octobre à décembre. Et avec confirmation, je peux le dire, on sera de nouveau on va jouer les prolongations de janvier à juin chez The Artist tous les dimanches. Voilà. The Artist, c'est où ? À Paris. Petit café théâtre de jauge de 50, comme je l'ai dit, j'aime bien aussi, très familial. La dynamique sera là. On a trouvé des options formidables, c'est-à-dire répéter dans ce théâtre-là pour pouvoir justement trouver des récréations pour nous poser, parce que c'est pas facile d'être à faire du café théâtre comme au Splendide, hein, que tu dois connaître d'ailleurs, Patrick, ou autre lieu magnifique à Paris, qui nous permettront de travailler dignement, à répéter la pièce avant de rentrer en scène pour les représentations que l'on aura à plaisir à effectuer tous les dimanches, et voir un peu plus réactivement l'année prochaine de janvier à juin. Et on a d'autres dates, je ne l'ai pas cité, je vais la citer là, parce que j'ai choisi le roi le 17 novembre, une salle des fêtes également, où on va jouer. Donc, pour finir l'année, on va jouer 14 fois la pièce, voilà. On est bien là, déjà. Parti, quoi. Dans la première partie, sans dévoiler, hein, la pièce, bien entendu, dans la première partie de la pièce, il est question d'un chansonnier. Alors, quand on lit les divers articles qui sont écrits sur votre pièce. C'est vrai, le parrain est Alban de Jonc, le chansonnier en question dont tu parles, voilà, c'est Alban de Jonc qui est parrain de la pièce, et on a choisi au générique de la pièce, oui. C'est par amour, que d'ailleurs je crois que tu as conservé, je pense dans tes archives, Sébastien. J'ai eu du mal à le retrouver, je le savais, j'ai eu du mal à le retrouver, mais voilà, j'ai retrouvé Alban de Jonc depuis quelques instants sous nos oreilles. Magnifique. Magnifique. Donc, quelle transition. Voilà, donc c'est bien, merci à toi d'avoir pu... réveiller Sébastien. on doit être relié, il y a des fils qui... D'habitude, mais là, on ne s'était pas écrit. Voilà, oui, alors le chansonnier a un passé formidable. Oui. Il n'est pas que chansonnier, oui. Il fait plein de choses dans sa vie. Il a commencé au petit répertoire de Mireille, ce fameux jeune homme, parce que c'est un jeune homme encore. Et il a un répertoire assez formidable. Effectivement, il a écrit des chansons par ailleurs à Saint Jérôme. Ah bon ? Bien sûr, il a écrit des chansons pour Saint Jérôme, notre ami Alban. Si tu nous écoutes, d'ailleurs, on t'embrasse. Et il est donc au générique de la pièce. Il est parrain, il fera la première avec nous, et puis après, il se passera ce qui doit se passer, hein, en fonction d'eux. Mais chaque générique de pièce sera aussi une ouverture plausible pour d'autres qui viendront voir Alban, certes, mais nous aussi. Et puis, ça sera surtout un « J'entends la bande, c'est bien, c'est bien, je l'entends, j'entends la bande. » Ça fait un moment que ça passe. Ouais, ça y est, je parle, mais je l'entends, dis donc. Et voilà, on est fiers de l'avoir parmi nous. Ah oui, tout à fait. Hein, voilà. Et l'équipe se compose, en fait, je n'ai pas dit les noms des comédiens, c'est important de le citer. Bon, il y a moi, d'accord, Philippe Daniel Alotto, c'est une chose, il y a Sandrine Roignan, il y a Anna Castera, dont tu as cité le nom tout à l'heure, et il y a Laurent Besançon. Celui-ci est une personne adorable qui a pu lancer le fil conducteur de la pièce, entre autres, voilà. Et donc on retrouvera tous ces comédiens, Laurent Besançon, Philippe Daniel Alotto qui est l'auteur, également vous-même qui êtes ici aujourd'hui, Sandrine Royan qui est avec nous ici aussi dans les studios aujourd'hui, et Anna Castera à l'affiche dans Quand les femmes s'en mêlent, les hommes se taisent, à partir d'octobre à Paris, à Chartres. On rappellera les dates et les lieux. D'accord. Tout à l'heure, Sébastien. Oui, eh bien je propose une petite musique et on se retrouve juste après. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Alors, Philippe Daniel Alotto, l'actualité musicale aussi, est-ce qu'il y a une petite actualité musicale aussi avec Blanche Colombe en ce moment ? Ah, alors, c'est pas avec Blanche Colombe, c'est avec O'Sheridan Partners. Maintenant, c'est avec O'Sheridan Partners, ouais, alors, d'accord. C'est plus avec Sandrine, donc, même que je la chapeaute avec Sandrine, c'est plutôt elle qui chapeaute ses artistes dans le monde musical. D'accord. Et là, c'est à elle, donc, qu'il faut que tu t'adresses. Ah, faut que je m'abonne là-bas. Mais bon, comment on travaille ensemble, il voilà. n'y a pas de souci. Non, justement, où est-ce qu'on en est des artistes en ce moment ? L'actualité, donc, je sais que tu es au courant que donc, l'album de Paul Saunders, que tu as eu l'occasion, justement, de recevoir ici est sorti, et ça marche très bien, il est bien placé, il est bien placé, donc ça va, on est content, ça fait son chemin. Et enfin, Béatrice Peotto, alors je vais pas annoncer de date, faut pas me voilà, mais enfin l'album qu'on attendait, qu'on parlait, fait par Gurdy, hein, Gurdy Blanc qui est d'Orléans, je pense que vous le connaissez bien. Bientôt, ça sera fini. Donc ça, je pense qu'on viendra avec Béatrice. Ah bah oui, j'ai qu'une hâte. En exclusivité, hein. Justement, oui. À Radio Arc-en-Ciel. Ah bah voilà. Dès que ça sort, il faut le dire à Béatrice, on n'a qu'une hâte, c'est de l'écouter. Bah tiens, pour Paul Sanders, qu'est-ce que tu veux écouter? Allez, fais-toi plaisir. Je passe comme je les aime toutes, après j'ai pas de... Fire, par exemple. Oui, on y va. Eh bien, écoute, on se fait un petit plaisir ici sur Arc-en-Ciel. C'est, j'ai le bras long sans avoir le bois trop long, t'as vu, hein, il faut que j'aille de l'autre côté. Allez, Fire sur le 96.2, c'est spécialement bien pour Paul Sanders et pour faire plaisir à Philippe Daniel et Sandrine. Merci. Et on se retrouve juste après. Nous sommes donc toujours sur Arc-en-Ciel avec Philippe Daniel à l'auto, Sandrine Roignan, Émilie et Patrick et Marie-Claire. Toujours là. Oui. Présent. Très bien, elles sont là toutes. Oui, on se met à table, mais pour manger du théâtre. Oui. Il y a pour manger du théâtre avec. Moi, je dirais plus pour déguster femmes. Du théâtre. Voilà. Déguster, bien, déguster. Bien, Patrick, c'est vrai. Pour déguster une pièce qui se jouera à Paris et près de Chartres à partir du mois d'octobre. Ça s'appelle Quand les femmes s'en mêlent, les hommes se taisent. C'est signé Philippe Daniel Aloto. Il est là avec une de ses comédiennes, Sandrine Roidian. Philippe. Oui. Il est là. Avez-vous faim, Philippe? Oui. Donc c'est une pièce tragique? Non. C'est c'est comique. Oui, justement, on préfère avoir du monde que tragique. Ça suffit dehors. Comme nous sommes tous à table, on déguste surtout, comme le disait Patrick, dans votre pièce, un certain humour grinçant qui confronte différentes cultures, qui confronte différentes générations et différentes personnalités dans votre pièce. Oui, c'est tout à fait ça. Et la popularité de cette pièce fera justement que, parce que je l'ai appelé « Quand les femmes s'en mêlent, les hommes se taisent », à mon avis, c'est le contraire qui va se présenter quand les spectateurs seront assis et vont vouloir se confronter à dire « Mais on se reconnaît pas, nous, là-dedans. C'est pas nous. Si, c'est bien vous êtes là. C'est confronté à ça, messieurs. » Et parce que, voilà, c'est une comédie sociétale drôle et épicée, justement. Ce sont des tranches de vie qui correspondent à notre, qui correspondent à notre temps. Complètement. Le titre, il y a un jeu de mots dans le titre. Il faut l'expliquer. Oui. Quand les femmes s'en mêlent, les hommes se taisent. S'en mêlent, en un mot, s'en mêlent les pinceaux. Voilà. ENT, pourquoi s'en mêlent les pinceaux dans la pièce? Alors, c'est non seulement les pinceaux, c'est surtout les cheveux. Elles s'en mêlent les cheveux. Elles crêpent les cheveux. Elles crêpent le chignon, alors. Parce que l'utile à l'agréable, c'était une chose, mais c'est avant toute chose du crêpage du chignon. Ah, voilà. Bon. Et y aura-t-il un personnage qui est particulièrement marquant? Et est-ce que vous pourriez nous faire un tout petit extrait de sa voix ou... Un personnage que vous aimeriez particulièrement. C'est la question piège. Piégé. Vous avez droit à un joker. J'y vais. Ils sont toujours en répétition. On va avoir le. Je vais vous faire la voix du père, le bobo, et je vais essayer de voir ce que je peux vous donner avec la voix du fils, crédule et bobo également. Tu feras peut-être la voix de la mère et ton rôle. On va voir. D'accord. Bonjour, fiston. Misère, aurais-tu croisé ton chemin avec Albert Einstein cette nuit? As-tu fait de la sorte, tu suscites l'enfermement psychiatrique? Que penserait ta pauvre mère? Paix à son âme. Rien mieux qu'un café noir arrosé d'un verre de rhum un lendemain de nuit blanche. Si elle était ici, elle te rétorquerait sa façon de penser. Un coup de gueule aurait suffi à te réveiller d'un trait. En attendant le retour du fils prodigue, je vais prendre l'air. Je me sens d'humeur à faire quelques pas dans l'allée du jardin. La fraîcheur du matin, ça requinque le corps humain. C'est la voix du fils. Un café, dis-tu? Avec deux aspirines, ma tête explose. J'en suis à mon énième combat de boxe. Au fait d'aller... Pense à prendre le courrier. Je fais l'objet de la haute direction auprès de mon éditeur. Ça, c'est la voix du fils. Tu vas? On aura la voix un petit peu plus tard. Ah ben voilà, moi, en tout cas, je suis dedans. Hein. Voilà, donc j'ai choisi un autre passage, en fait, où la fille, en fait, au téléphone, elle l'entend. Donc elle est un petit peu... Donc elle pense, mais à haute voix. Mais couillon, moi envie bailler en coup de poing, donc j'ai envie de le frapper. Son envie, se taire, ses manières arrogantes, je ne peux le supporter. En fait, là, un petit peu, c'est ce qu'elle entend au téléphone. Et puis, je vais prendre un autre passage où c'est la mère qui découvre la tenue du père. Elle se retourne, les mains sont levées. Oh, Mazette, est-ce comme ça que vous recevez vos hôtes? Chaussettes roses, caleçon à petits pois. En fait, là, elle découvre comment le père il est, ce qu'il se retourne. Et là, en fait, ça va être soit le fou rire, le voilà. En fait, cette pièce, elle est assez drôle parce que c'est quand même deux familles. C'est vrai que l'auteur l'a dit, deux familles. Alors moi, je vais résumer à ma manière. Deux familles pauvres, donc c'est les femmes, et deux familles riches, le père et le fils. Et nous, les filles, on va venir, on va tout casser, en fait. On va tout casser dans la baraque. On est là, normalement, pour rénover un salon, rénover la maison. Et ça va être le contraire qui va se passer. Et là, ça va être la surprise. Parce que entre querelles, la tendresse va s'y mêler. Et je ne vous raconte pas la suite. Il faut venir la voir, en fait. Voilà. Nous n'y manquons pas. C'est une construction-déconstruction. Ça donne envie. Oui, oui. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente pour vous. votre plaisir. Et on retrouve tout de suite eh bien, donc Philippe, non, Daniel, Sandrine, Émilie, Patrick, Marie-Claire, après les sorties cinéma, après donc, avoir fait un petit tour sur l'actualité musicale. Sandrine, quels sont les artistes qu'on peut retrouver avec toi? Dis-nous tout, parce qu'on en a oublié un, et Mr Love aussi. Et Mr Love aussi, toujours, il est sous la 16 titres, alors après ça va être long pour choisir lequel, lesquels qu'on va sortir. Donc effectivement, donc, il y a Paul Sanders, oui. Il y a donc Béatrice Couto, Mr Love et Anna Castera qui nous a rejoint. Donc on est quatre maintenant sur Dan et Partners. D'accord. Voilà. Et il y a un petit site pour retrouver tout ça? Oui, le plus simple c'est de taper Ocheridan et Partners et vous avez tout, le site, le blog, YouTube, tout ce qu'il faut en fait, voilà, tous les réseaux sociaux, on dirait, Instagram, etc., etc. Et après, ça s'est redirigé directement vers les artistes aussi sur leur site et leurs liens. Exactement, ils ont leur propre site en tapant Paul Sanders, Béatrice, etc. Des dates pour les voir? Ben, en ce moment, Béatrice, elle est au studio à Orléans. D'accord. De Légende Prod. Donc, et ben, on va aller la chercher. Hein. Ben, il faut aller la voir. On a 5 minutes pour la trouver. Exactement. Donc, tout le mois d'août, c'est pour ça que je disais que bientôt, ce sera l'exclusivité. Pour, ah bah oui. Voilà, naturellement, parce que vous l'avez reçu dès le début. Merci. Voilà. Et d'ailleurs, je profite justement de te remercier par rapport à la pièce de théâtre, Quand les femmes s'en mêlent, les hommes se taisent. Alors, il faut savoir que dès le début, la pièce n'était pas encore sortie. Tu étais là avec nous. Je me rappelle à la salle de Trénou, où on s'était réunis, où on avait parlé un petit peu des partenaires dont tu fais partie. Et tu as continué à nous suivre, effectivement, même toujours. Lors. Voilà, exactement. On est toujours là pour les artistes, pour la culture. Moi, je soutiens la culture à 800%. S'il y en a bien un qui suit tout ça, je crois que c'est moi et puis l'émission, parce qu'on est vraiment là au service. Donc, merci à toi, merci à toute l'équipe de nous recevoir à chaque fois. Et puis, on est super bien reçus à Radio Raconciel. Ah, merci, c'est gentil. Merci. Alors, si vous êtes là avec nous aujourd'hui, c'est surtout pour cette actu brûlante qui est votre pièce de théâtre qui démarre en octobre à Paris, dans différentes salles, mais aussi près de Chartres, pour les Loiretains, c'est pas loin, donc vous pourrez y aller. La pièce s'appelle « Quand les femmes s'en mêlent, les hommes se taisent ». Le pitch de la pièce par l'auteur lui-même qui est avec nous, Philippe petit Daniel. Gâteau. Petit gâteau, il est là. Viens, Philippe. C'est ce qu'il fait dire. Petit gâteau, voilà. Allez, le synopsis de la pièce. Peux-tu nous parler du petit gâteau de la pièce, alors? Oui, en clair, nous, avec le petit four. C'est la cage aux folles, en fait. Mais c'est un peu ça. Tu n'es pas loin de la vérité. C'est vrai, c'est vrai. Non, il y a quelque chose de Tennessee. Non, c'est pas ça. Il y a quelque chose dans cette pièce, effectivement, où l'on pourrait penser un début de cage aux folles. Ah bon. J'ai pensé qu'il ne fallait pas le dire là maintenant, mais puisque incroyable. Quelqu'un l'a révélé. C'est-à-dire que je disais que les 30 premières secondes du lever de rideau tout à l'heure sont les plus importantes, sans mots, sans rien dire. Si les gens rient dans la salle, c'est bien parce que l'on trouve une situation. On démarre par un comique de situation, voilà, comme on l'appelle dans son genre. Et puis on entre dans une cascade de répliques, de discussions, de choses, parce que les gens des vies vont s'interférer, des origines aussi vont se tilter, catapulter, les hommes, les femmes entre eux, différentes cultures entre elles, différentes générations, et différentes manières de vivre, les bobos, pas bobos, les plus simples. Et on parle d'ailleurs de différentes choses, et notamment de la cage aux folles. Dans la pièce, vous y faites référence. J'y fais référence, l'auteur y a fait référence, comme j'ai fait référence aussi Vol au-dessus d'un nid de coucou, pour ne pas le citer. Il faut l'avoir vu pour comprendre le truc. Et différentes petites phases comme ça, comme balayer, astiquer. Ah oui, ok. Ça donne envie d'y aller. Voilà, un clin d'œil à Zouk Machine en fait. Voilà, il y a plein de petits clins d'œil donnés. C'est une plaie, certes sociétale, avec beaucoup d'élance, avec c'est réfléchi aussi à la fois, parce que c'est du vécu dans les familles, j'imagine, c'est du vécu chez moi, enfin chez nous. Il y a une part autobiographique en plus de la fiction. Oui, elle est là. Et puis de toute façon, à chaque fois que j'écris quelque chose, c'est forcément avec un peu de vécu, puis un peu de recherche autour de moi. Il suffit de regarder les gens, puis voilà. Quand les femmes s'en mêlent, les hommes se taisent. C'est une pièce signée Philippe Daniel à l'auto. Vous êtes avec nous sur Arc-en-Ciel aujourd'hui. Cette pièce vous a été inspirée d'abord par votre vie, par notre temps, l'air du temps, mais aussi par les gens que vous aimez, que vous affectionnez. Oui, alors, l'entourage, les gens que j'affectionne, ma compagne de tous les jours, Sandrine qui est là, qui est. Et des références voilà. Cinématographiques, oui. Théâtrales. Et voilà, il y a un mélange de tout ça, dont notamment aussi conjointement mes premières pièces ont fonctionné, tel le boulevard du 21e siècle, c'est comme ça qu'on me nomme aussi. Voilà l'auteur du boulevard du 21e siècle pour les journalistes qui en tout cas sont venus jusqu'à chez nous. Alors justement ce boulevard vous le croquez à votre façon et vous en faites justement c'est quoi, c'est une référence presque rigolote le fait que l'un des personnages s'appelle Fedo de son prénom. Ah oui, c'est une moquerie à part entière. Le fait qu'il ait appelé Fedo, c'est pourquoi c'est, une moquerie, c'est que ça vous agace que le boulevard soit un peu catégorisé dans la, voilà, on va avoir un boulevard un peu mis dans, sur le rang. Les Parisiens disent toujours. Pas assez prestigieux, on va dire. C'est un. La collection Sine qua non de Paris, c'est de présenter forcément les pièces comiques et eux les appellent pour ainsi dire des pièces dites de boulevard. Mm-hmm. Bon, si on regarde bien le dictionnaire, boulevard, c'est pour le peuple. Oui. Pour tout le monde. Donc c'est comme ça qu'est né le théâtre dit de population, dit de boulevard. C'est comme ça qu'on l'appelle. Plus facile au café théâtre de dire on va voir une pièce de boulevard que de voir une pièce comique, par exemple. Oui. Et le people étant ce qu'il est aujourd'hui, la crise étant, les gens s'amusent, il faut qu'ils se détendent. Donc oui. Ça reste toujours dans la même option, c'est on va où ce soir pour rigoler. On va au café théâtre. Ouais, parce que les gens n'ont plus que jamais besoin. Donc finalement, ce boulevard a un succès. Du coup, ça devient de moins en moins péjoratif quand on dit une pièce de boulevard, non ? On l'emploie tout de même, tout le temps. De manière péjorative, vous savez. Oui, ouais, c'est vrai, bon, moi, j'ai pas le même ressenti. C'est pour ça que je l'interroge là-dessus. C'est amusant, parce que moi, une pièce de boulevard, non, c'est une pièce où je vais aller m'amuser avec des situations comiques. J'adore. Moi, pour moi, c'est pas péjoratif. Mais il a raison, dans le commun des critiques, etc., c'est souvent ce qui ressort, ne serait-ce quand on regarde les récompenses diverses et variées du théâtre, c'est toujours assez honorifique par rapport, et le boulevard est mis de côté, un peu comme au cinéma, les comédies d'ailleurs. Oui, puis il suffit d'aller voir dans les rayons littéraires. Essayez de trouver une pièce dite de boulevard, vous n'en avez pas. Voilà. Les auteurs, vous n'en avez pas. Ah, vous avez les grands classiques parce qu'ils sont vendus pour les scolaires. Mais est-ce que vous citez le mot boulevard à ce moment-là? Non. Non, on parle de Fedo. Oui. C'est vrai. Ah oui. Bah, oui. On parle de Fedo. Et après, on décline les autres en disant vous faites du Fedo. Oui. Ah. Fedo. Vous faites du Fedo, vous faites du vaudeville, peu importe dans la catégorie où vous êtes placé. Quelqu'un qui a créé une pièce de théâtre et qui a conjointement réussi à faire rire les gens, peut-être de façon dans la catégorie des artistes, avec peut-être un nom ou peut-être une renom, mais il ne va jamais être invité sans qu'on parle de sa pièce et qu'on ait évoqué le mot boulevard. Jamais. Voilà. C'est quelque chose, par exemple, quand on a fait notre tournée littéraire, on a fait rire les gens et le mot était lâché. Ah, c'est une comédie de boulevard, elle se joue. Et on était même au Luxembourg quand on entendait ça. Moi, ce que je voudrais rappeler auprès de Philippe Daniel et de Sandrine, bien sûr, c'est le moment où ils passeront. Est-ce que vous pourriez de nouveau détailler pour qu'on puisse aller vous les lieux, les vous dates, applaudir les dates, alors c'est important, et les dates, c'est aussi vrai. Le 7 octobre chez Gérald Dahan au Nez Rouge à Paris, qui est de Gérald Dahan, qui est un humoriste, hein. Tout à fait, connu. Allez bien penser que quand on parle de boulevard, on va bien donc chez Gérald Dahan, que ce soit du one man ou une pièce de théâtre. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je crois qu'il a pris la direction de... Oui, exactement. Alors, curieusement, j'en connais aussi l'existence. C'était Michel Galabru qui avait la direction de ce bateau. Du Nez Rouge ? Exactement. Ah bon ? Michel Galabru. Qui, lorsque Michel Galabru s'en est allé, a laissé la... En fait, Gérald Dahan a acheté le Nez Rouge. Et la marraine du Nez Rouge, c'est... Richard Firmin, voilà. Et comme on avait fait appel à Richard Firmin aussi dans la pièce, elle n'était pas disponible. Pardon. Et donc vous allez être sur cette... Ça sera la première fois que vous serez au Nez Rouge ? Oui, première date au Nez Rouge, le 7. Le 14, on sera dans l'Eure-et-Loire à Pongouin. Donc c'est Pongouin, hein ? Pongouin, Eure-et-Loire, voilà. Ensuite, du 15 octobre jusqu'à la fin de l'année 31 décembre, on sera à The Artist. À Paris. À Paris. et près de Chartres, à Pont-Gouin le 14 octobre, ça vous venez de le dire, et jusqu'au 31 décembre sur la scène du The Artist à partir de 20h. Sébastien, je crois que nous avons quelqu'un. Eh bien oui, on a une petite surprise pour vous au téléphone. Émilie, bonjour. Allô ? Allô, bonjour. Il s'agit d'un chanteur qu'on a passé tout à l'heure, de Paul Sanders au téléphone. Bonjour, bonjour Paul. Sébastien, et bonjour à tous les invités. Oui, bonjour Paul. Je les embrasse très fort. Et bonjour. Voilà. Eh ben c'est gentil, tu vois. On passe la musique, les artistes nous écoutent et ils nous appellent pour nous faire un petit coucou. Ben, merci. Alors l'actualité en ce moment, l'album, ça se passe bien, Paul ? Oui, ça se passe bien. L'album fonctionne bien. Je suis diffusé dans pas mal de radios, même en outre-Atlantique. Donc ça fait plaisir, quoi. Oui. Et puis bon, la prochaine scène, ce sera, je pense, la fin du mois d'août. D'accord. On est déjà parti. Donc je donnerai un peu plus d'informations sur tous les réseaux sociaux comme d'habitude. Oui. Et je serai aussi également à partir du mois de novembre proche de ta région, hein, dans le 45, le Loiret. D'accord, bah oui. Donc pour une œuvre caritative avec plusieurs artistes qui vont aider, qui vont soutenir cette œuvre caritative. Donc je donnerai un peu plus d'informations comme d'habitude dans les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. D'accord. Ah bah c'est super. Eh bien écoute, dès qu'il y a de l'actualité, t'hésites pas, tu nous appelles, t'as vu, on est là tous les samedis, on est là pour répondre à tous nos artistes qui sont heureux d'être avec nous. Merci. Merci à toi Paul, à très très bientôt. Et on rappelle donc le titre de l'album pour trouver ton album ? Méli Mélo. Méli Mélo, et on le trouve un peu partout. Tout à fait. Voilà. Il est disponible dans toutes les plateformes de téléchargement et puis en concert également sur scène, quoi. D'accord. Eh bien, un grand merci à toi, et puis à très très prochainement. Merci Sébastien, merci, et puis je vous embrasse. À bientôt. Merci, nous aussi, à bientôt. On t'embrasse. Merci, à bientôt, Paul. Salut, salut tout le monde. Salut. Eh bien voilà, on revient, on sort un petit peu du tunnel quand on passe par le téléphone. Eh bien un grand merci donc à Paul de nous avoir appelé, à nos artistes. Voilà, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on a les artistes qui sont là derrière nous, qui nous écoutent. On a débordé un tout petit peu, il est 4h01, on va se dire au revoir parce que Sabrina n'est pas là aujourd'hui. On se retrouvera la semaine prochaine. Pour l'intégrale du reportage que nous avons réalisé la semaine dernière à Saint-Fargeau, une heure avant le spectacle. Vous découvrirez toutes les coulisses de ce spectacle historique assez exceptionnel. Et pour l'heure, tous les invités que nous avons reçus aujourd'hui, dont Philippe, Daniel Alotto et Sandrine Royan, on les remercie. Merci sont à vous pour leur de nous avoir accueillis. Dans Les Femmes s'en mêlent et Les Hommes se taisent, leurs infos, leurs actus et toutes les actus et les infos de tous les invités que nous avons eu aujourd'hui. N'hésitez vous pas, hein. On est rouge. On est rouge. Dans un premier temps, le 7, le 14 et le 8 octobre. Et après, ensuite, on a du 15 octobre, merci. 31, c'est The Artist à Paris également. Voilà. Vos infos et toutes celles de tous les invités que nous avons reçus aujourd'hui, bien vous retrouverez tout, absolument tout, sur la page de l'émission Arc Musique, Arc Info.